Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter la seconde partie de la conférence de Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, où il présentait son ouvrage « L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique », un livre paru aux éditions du Seuil en 2012. Dans la première partie de cette conférence, Jean-Baptiste Fressoz nous a présenté un plaidoyer pour l'histoire des techniques, puis a exposé les controverses autour du gaz d'éclairage à Paris. Et au passage, il a retracé les origines de la légende autour de la peur des premiers chemins de fer. Et enfin, il a raconté la fabrication de l'acceptation du risque avec les premiers pas de la vaccination au 19e siècle. Dans cette seconde partie, Jean-Baptiste Fressoz nous parle des changements dans la gestion de la pollution sous l'effet du développement de l'industrie chimique et aussi de la création et du rôle des normes techniques de sécurité dans les installations industrielles au 19e siècle. Avec au passage quelques mots sur l'écologie industrielle. Enfin, en conclusion, il évoque le paradoxe qui caractérise selon lui notre société libérale et technologique. D'un côté, nous transformons radicalement la nature, quand de l'autre, nous proclamons l'impossibilité de modifier la société. Et donc, tout de suite, je laisse la parole à Jean-Baptiste Fressoz. Alors, troisième forme de désinhibition après le risque. Je voudrais revenir sur la question environnementale au 19e siècle. Alors, on trouve ce genre de documents dans les archives des entreprises en particulier. Ça, c'est un point important de mes recherches, c'est que pour étudier, disons, à mon avis, la question de la pollution au 19e siècle, il faut se plonger dans les archives des entreprises. C'est un tableau comptable d'une usine de soude non loin de Marseille, au milieu des étangs, qui s'appelle l'usine du Plan d'Arin, qui était une grande manufacture de soude dans les années 1860. Alors, ça peut sembler pas très intéressant, mais il y a une ligne qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle « Dommage des vapeurs, 237 francs, 25 centimes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà au XIXe siècle, les entrepreneurs payaient pour la pollution. La régulation environnementale au XIXe siècle, elle est fondée là-dessus, sur la financiarisation des atteintes à l'environnement. Ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête, parce que le mode dominant d'appréhension des questions environnementales actuellement, c'est l'économie. Et l'économie nous dit que le principe de pollueur-payeur, par exemple, l'idée de donner un prix à l'environnement, et qu'en donnant un prix à l'environnement, on va aboutir à un point efficace entre la recherche de l'efficacité économique et puis la protection de l'environnement, ce mode-là de raisonnement, il était déjà présent au XIXe siècle, et c'est ce mode de raisonnement qui a accompagné, si vous voulez, la crise environnementale, qui l'a justifié, qui a justifié les pollutions pendant la révolution industrielle et qui n'a absolument pas résolu le problème, comme je vais vous le montrer. Alors ça, c'était, disons, le commentaire, disons, politique sur ce document. Maintenant, le commentaire historique. Du point de vue du XVIIIe siècle, ce type de document, c'est une hérésie, c'est une absurdité, ça semble incroyable, parce qu'au XVIIIe siècle, la médecine était une médecine environnementale. L'environnement au XVIIIe siècle est le facteur déterminant de la santé des populations. Là, il y a un concept important que je voudrais mettre en avant, c'est le concept de circumfusa, donc c'est un mot latin qui veut dire toutes les choses qui nous environnent. Vous voyez, ça ressemble un peu fortement à la notion d'environnement. Donc les circumfusa représentent ce que Hippocrate a dénommé les airs, les eaux et les lieux. L'homme est lié à l'atmosphère par des rapports nécessaires, constants, non interrompus. Nous dirions presque avec Ramadini, tel air, tel sang. Ça, c'est écrit en 1844, en pleine révolution industrielle. Donc il faut bien penser que la révolution industrielle s'est faite non pas dans une forme d'inconscience environnementale, mais au contraire, malgré un paradigme médical qui faisait de l'environnement le déterminant de la santé des populations. Donc c'est un peu cette nature schizophrénique, si vous voulez, de la modernité que je voudrais vous expliquer, et comment, disons, cette schizophrénie a été réduite au XIXe siècle. Alors, un autre exemple de la médecine environnementale du XVIIIe siècle, ce sont les topographies médicales. C'est un genre archi-dominant en médecine à la fin du XVIIIe siècle surtout, qui vient très à la mode. C'est des médecins qui décrivent les environnements Alors là, c'est par exemple, je crois, autour de Marseille. Donc, ils vont décrire les collines autour de Marseille, les villages autour de Marseille, l'eau, les vents, la végétation, les types de production agricole, les usines s'il y en a. Ils vont essayer de corréler ça avec la mortalité. Donc, on a un genre médical, une fois encore, qui est centré sur l'environnement. Ce qui fait que les polices, les institutions d'ancien régime, en particulier les polices urbaines au XVIIIe siècle, accordent une attention pointilleuse aux pollutions et aux nuisances artisanales. La police de l'Ancien Régime mérite pleinement son nom parce que justement c'est une institution urbaine. C'est une institution qui structure la ville, la vie dans les villes, qui définit la largeur des rues, qui va s'assurer que les rues sont bien propres, nettoyées, qui va s'assurer de l'enlèvement des ordures. Et en fait, les artisans au XVIIIe siècle sont soumis à cette police des micro-risques urbains, si vous voulez, à cette police journalière qui, en quelque sorte, discipline les comportements urbains. Par exemple, à Paris, on a 40 commissaires qui sont répartis dans 20 quartiers, et chaque jour, les commissaires doivent faire une patrouille, doivent arpenter le quartier. Et puis, si un artisan émet trop de fumée, laisse s'écouler des eaux nauséabondes, le commissaire réprime sur le champ l'artisan. Donc, il y a en quelque sorte une régulation policière de l'environnement au XVIIIe siècle. Cette régulation est aussi spatiale. C'est-à-dire que la police a un pouvoir énorme sur les artisans, un pouvoir de vie et de mort quasiment, le pouvoir de les exclure de l'espace urbain. Si un artisan est manifestement trop nuisible, ses ateliers sont trop mauvais, la police a le pouvoir de les exclure de l'espace urbain. Qu'est-ce qui va se passer au début du XIXe siècle avec la révolution industrielle et en particulier la révolution chimique et la chimie lourde? On a de nouveaux dispositifs pour produire des produits chimiques, en particulier les acides, qui sont cruciaux pour le textile, pour toute l'industrie. En vérité, on a besoin d'acides. Ce sont des dispositifs qui sont très coûteux, parce qu'ils nécessitent beaucoup de métaux, du plomb en particulier, des chambres de plomb. C'est des dispositifs dont on sait qu'ils sont très polluants. Et ce que les capitalistes vont dire, c'est en quelque sorte, on accepte d'investir dans ces nouveaux dispositifs de la révolution industrielle que si le gouvernement, l'État, nous garantit notre existence. Si l'État nous extrait de cette régulation policière. Et là, il y a un personnage crucial dans l'histoire, enfin, c'est pas seulement dans l'histoire de l'environnement, hein, c'est l'histoire de la France au XIXe siècle, début du XIXe siècle, c'est Chaptal, le même Chaptal qui, au ministère de l'Intérieur, avait fortement encouragé la vaccination. Chaptal, qui est d'ailleurs un Montpelliérain, hein, d'origine, qui avait d'ailleurs une usine d'acide dans le quartier de La Paillade maintenant. Chaptal, donc, entre 1800 et 1804, est à la fois un grand chimiste, un grand industriel, un très grand pollueur aussi, sans doute le plus grand pollueur de France, et il est aussi ministre de l'Intérieur, ce qui va lui simplifier grandement les choses. Et sous l'égide de Chaptal, la régulation environnementale va être entièrement transformée à travers un décret fondamental, le décret de 1810, sur les établissements classés. Décret qui a eu une influence considérable sur le droit en France, qui est encore, enfin, les établissements classés, c'est encore toute une législation qui est en place et qui a eu en plus une influence européenne parce qu'à cette époque, l'Empire a influencé d'autres systèmes juridiques en Europe. Et ce décret sur les établissements classés, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire les usines vont être soumises à des procédures d'autorisation assez rigoureuses avec une consultation des voisins, par exemple, et un rapport d'expert. Par contre, en échange, quelles que soient les plaintes ultérieures des voisins, l'entrepreneur est garanti dans son droit d'exercice. Quelles que soient les plaintes, le gouvernement a donné son autorisation à l'usine et l'entrepreneur ne sera pas obligé de déménager. Ce qui fait que quand se développe l'industrie chimique en France, ça produit énormément de controverses. Là, c'est des photographies de pamphlets, des pamphlets comme ça. Il y en a des centaines contre le début de l'industrie chimique au début du XIXe siècle. Et le décret de 1810, en quelque sorte, stabilise, si vous voulez, le capitalisme industriel, lui donne une garantie d'existence et extrait surtout le capital industriel de la régulation policière. Chaptal le dit très clairement, hein, il dit tant que, j'ai plus la phrase exacte en tête, dans un rapport très important, il dit tant que la fortune d'un manufacturier dépendra d'un simple magistrat de police, comment peut-on penser que les manufacturiers risqueront d'investir et risqueront leurs capitaux dans des usines polluantes? Le décret de 1810 a d'autre part un rôle important parce qu'il dépénalise, si vous voulez, les atteintes à l'environnement. Au XVIIIe siècle, prenons l'exemple d'une rivière. Il y a énormément de règles, de coutumes qui s'appliquent à la gestion des ressources d'une rivière. La pêche est extrêmement réglementée, la taille des filets, même en mer d'ailleurs, la pêche maritime est aussi extrêmement réglementée. Les filets, la taille des filets, des mailles des filets, les dates de pêche, l'ouverture des pêches, ça c'est extrêmement surveillé, contrôlé par les amirautés. Et les amendes sont extrêmement sévères. Ça va de la confiscation des outils de pêche, en passant aux galères, ça va jusqu'aux galères. On peut finir aux galères si on n'a pas respecté, si vous voulez, les règles sur les pêches, des punitions corporelles. Maintenant, si on prend un industriel au début du 19e siècle qui produit, mettons, de la soude et qui rejette les résidus de sa production dans une rivière et qui tue tous les poissons en quelques années, il n'encourt aucun risque pénal. Il n'ira jamais en correctionnel pour la destruction des poissons. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à un autre régime juridique qui est ce décret de 1810, qui le garantit dans son existence et qui surtout renvoie les plaintes aux civils. C'est-à-dire, ça va être les voisins qui vont par exemple se plaindre pour les récoltes détruites à cause des fumées acides, qui doivent poursuivre l'industriel pour obtenir compensation. Et c'est ça qui crée ce régime libéral, dont je vous ai parlé au début, de financiarisation de l'environnement. C'est parce que, en fait, le système repose sur le pouvoir des tribunaux civils à attribuer des compensations et des indemnités. Alors, vous voyez qu'il y a eu, au début du 19e siècle, une transformation majeure, radicale de la régulation environnementale. On est passé d'un régime assez régulé, strictement régulé par la police, à un régime beaucoup plus libéral, qui est fondé sur l'administration qui autorise les usines et sur les tribunaux civils qui attribuent des dommages. Pour accompagner cette libéralisation des environnements, il a fallu, bien entendu, contourner la médecine environnementale. Tant que les voisins disaient qu'une usine ne nuisait simplement pas à leur récolte, mais détruisait leur santé, c'était beaucoup plus problématique. Et c'est dans ce cadre-là que s'invente l'hygiénisme. L'hygiénisme, au début du XIXe siècle, c'est fondamentalement quelque chose qui a servi à justifier la pollution industrielle dans un cadre médical qui reste environnemental. Le grand fondateur, penseur de l'hygiène sociale, il s'appelle Louis-René Villermé, il publie en 1830 un article qui corrèle la mortalité dans les différents quartiers de Paris, non pas aux environnements, à la proximité de la Seine, à la présence d'ateliers, à la largeur des rues, mais à l'impôt. Ce qu'il veut montrer, c'est que la mortalité est fonction de la richesse. Plus on est riche, plus on vit longtemps. Et cet argument est absolument fondamental pour justifier l'industrialisation dans les années 1830. Parce que l'argument va être finalement, les usines sont peut-être incommodes, mais elles vont créer plus de prospérité, un peuple plus riche, et donc au final un peuple en meilleure santé. Or, Villermé, où est-ce qu'il travaille dans ces années-là? Il travaille au Conseil de salubrité de Paris. Et le Conseil de salubrité de Paris, c'était un petit cabinet, un petit comité d'experts, surtout composé de chimistes, auprès du préfet, qui avait le rôle fondamental d'autoriser et de justifier la présence d'industries en ville contre les Parisiens. Donc l'hygiénisme a vraiment servi à accompagner et à justifier cette libéralisation des environnements. Jean-Baptiste Fressoz nous parle aussi de l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, ça c'est vraiment typiquement la chose qui se présente comme nouvelle, alors que c'est une vieille baderne incroyable. C'est-à-dire que l'idée d'optimiser la circulation de la matière, d'utiliser les résidus d'une activité pour faire fonctionner notre activité, c'était en fait l'idéologie des hygiénistes, des ingénieurs et des chimistes au début du 19e siècle. Le Conseil de salubrité de Paris, dont je vous ai déjà parlé, ils envisageaient son rôle comme une institution de conseil technique qui allait optimiser le flux de matière entre les différents types d'activités dans Paris. Donc, en quelque sorte, l'écologie industrielle, je veux dire, les industriels en font forcément, naturellement, parce qu'ils cherchent à minimiser leurs coûts et parfois, il s'avère qu'il est moins coûteux de réutiliser, par exemple, des résidus d'une autre activité pour sa propre activité. L'écologie industrielle, au début du 19e siècle, a servi, en fait, à justifier une politique libérale pour disons, le contrôle des établissements classés, en disant, en fait, finalement, il vaut mieux laisser faire parce que les industriels ont intérêt à être écologique en quelque sorte. Ils ont intérêt à être efficaces. Il y a une sorte d'adéquation qui se crée au début du 19e siècle entre pollution, fumée et pertes financières. Si vous prenez la chimie lavoisienne, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire concrètement qu'un bon processus industriel efficace, normalement, ne doit pas polluer, il doit tout transformer. Et la perte est une perte financière. Bon, évidemment, ça, c'est un mythe. C'est-à-dire que pour produire de manière efficace, des fois, il vaut mieux lâcher dans l'atmosphère parce que ça peut vouloir tout récupérer, ça peut réduire l'efficacité des procédés industriels, ça peut les rendre plus petits, ça peut les rendre plus lents, etc., etc. Donc, je dirais que l'écologie industrielle, c'est typiquement évidemment très important, j'ai pas dit qu'il fallait pas l'étudier, mais ça pourra jamais informer un mode de régulation complet, si vous voulez, des activités industrielles. Sur l'écologie industrielle, Jean-Baptiste Fressoz a écrit un article « La main invisible a-t-elle le pouce vert ?» Les faux-semblants de l'écologie industrielle au XIXe siècle. Vous pouvez le trouver sur Internet, mais aussi le demander à Radio Zinzine. On se fera un plaisir de vous en faire une copie. Alors, je vais aller très vite sur le quatrième exemple de désinhibition, sur la norme technique de sécurité, en disant les choses suivantes. Au début de l'industrialisation en France, il n'y a pas eu de confiance progressiste naturelle. Et l'exemple le plus frappant, à mon avis, c'est que avant même les explosions de machines à vapeur, de chaudières à vapeur, on se disait peut-être que ce n'était pas une bonne idée de recourir aux machines à vapeur. Et en 1822, le ministre de l'Intérieur interdit les machines à vapeur en ville. Donc ça, vous voyez, c'est quand même un symptôme assez parlant du fait qu'on se préoccupait au premier chef du risque technologique au début du 19e siècle. Et certains ingénieurs disaient peut-être qu'il vaudrait mieux retourner au cheval, en fait. Finalement, un cheval, c'est peut-être moins efficace, mais ça n'explose pas, contrairement aux chaudières à vapeur à haute pression. Et donc ça, c'est un zoolithe, une invention des années 1820, 1822 ou 1823, qui est publiée dans le bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, un organe tout à fait sérieux, plutôt pro-industrialiste, et qui propose les chevaux plutôt que les machines à vapeur, surtout pour les bateaux, parce que évidemment, quand une chaudière à vapeur explose sur un bateau à vapeur, ça produit un véritable carnage. En France, il y a quelque chose d'assez original qui se passe en 1822-1823, très précisément, c'est l'invention de la norme technique de sécurité. De nos jours, la norme technique, ça paraît quelque chose d'absolument banal, et la plupart des objets qui nous entourent sont normalisés, on n'y prête pas attention. Mais dans les années 1820, l'idée que la science, que les savants puissent sécuriser des techniques à travers la bonne définition des formes techniques, c'est un coup de force absolument majeur. Alors, par exemple, les premières normes techniques sont passées à propos du gaz d'éclairage dont je vous ai parlé au début, parce que justement il y a eu cette énorme controverse et la bourgeoisie parisienne ne tolérerait pas les gazomètres près de chez eux. Et finalement, la norme technique de sécurité a servi à produire une sorte de compromis. En gros, le gouvernement dit on a fait appel aux savants, les savants nous disent que c'est parfaitement sûr si les entrepreneurs respectent la norme de sécurité. Donc c'est une sorte de compromis, si vous voulez, entre le capital industriel et les bourgeois dans les années 1820. Mais ce qui est frappant, c'est que les académiciens qui vont définir la norme de sécurité sur le gaz d'éclairage n'avaient jamais vu un gazomètre. C'est-à-dire, on a des savants qui vont définir la norme de sécurité du gaz d'éclairage sans avoir jamais travaillé dans une usine, sans avoir jamais vu un gaz d'éclairage. Donc il y a une sorte de confiance, si vous voulez, dans la capacité de la science à abstraire la technologie, à la penser de manière abstraite et à la perfectionner. C'est vraiment le terme important, c'est perfectionner, qui est assez impressionnante. Donc première fonction de la norme, ça va être de légaliser le risque, en quelque sorte de l'imposer, si vous voulez, à travers la norme. La norme sécurise, contrôle le risque, mais le légalise en même temps. Normaliser, c'est déjà accepter le risque. Et l'autre fonction de la norme de sécurité, ça va être de produire des individus responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idéologie derrière la normalisation dans les années 1820, c'est de dire l'Académie des sciences va perfectionner la technique, la rendre parfaite, en sorte que si jamais il y a un accident, alors on pourra toujours définir un responsable humain. Et la plupart du temps, ça va être l'ouvrier à qui on va trouver tous les défauts. Par exemple, la personne qui s'occupe d'une chaudière à vapeur, en cas d'accident, on va trouver qu'il s'était absenté, il s'était endormi, il avait tendance à boire, il menait une mauvaise vie. On trouve même ça des fois dans les rapports d'experts après accident. Mais là, l'idée, vous voyez, c'est de dire la machine, elle était normalisée, elle était certifiée par l'administration des mines, en particulier les ingénieurs des mines. Et donc s'il y a un accident, c'est forcément, on va trouver une faute ouvrière. Donc la norme de sécurité a aussi servi à rabattre, si vous voulez, les accidents sur la responsabilité des ouvriers. Il faut bien voir que ces logiques industrielles, c'est des logiques qui restent archi-dominantes. C'est-à-dire le mode fondamental sur lequel fonctionnent nos sociétés, on a des innovateurs qui créent un nouveau produit qu'il faut mettre sur le marché le plus rapidement possible. Et après seulement, on va commencer à se poser des questions parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre. Bon. Le problème, c'est le après seulement. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, des investissements vont être faits. Des gens vont acheter les produits qui utilisent ces grands réseaux techniques, par exemple. Et puis, évidemment, il n'y a aucune possibilité ou volonté, si vous voulez, de revenir en arrière. Ce mode-là du fait accompli technologique, c'est, je pense, quelque chose qui perdure actuellement et qui apparaît typiquement à ce moment-là, au début du 19e siècle. Le cas du gaz d'éclairage, c'est très frappant. Il y a un Gugus qui débarque avec son gazomètre 10 fois plus gros que tous les gazomètres existants, qui le construit quasiment au milieu de Paris. Tout le monde dit, mais attendez, c'est n'importe quoi, c'est absurde, vous ne pouvez pas faire ça. Tout ça parce qu'il y a eu 6 millions de francs engagés et que les gens ont commencé à s'équiper de matériel de gaz d'éclairage. Le gouvernement n'arrive pas à faire marche arrière, ne veut pas faire marche arrière. Donc ce mode du fait accompli technologique et ensuite de la justification difficile par les normes, par les rapports d'experts, etc., ça c'est vraiment quelque chose que vous retrouvez actuellement et dont j'essaie de retracer les origines à travers mes recherches. Alors, puisqu'il ne me reste plus trop de temps, je vais maintenant conclure en faisant deux points. Premièrement, je vais faire un point sur le rapport entre libéralisme technique et environnement. Quand on y réfléchit, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez curieux qui caractérise nos sociétés, à la fois libérales et technologiques. C'est que d'un côté, on transforme radicalement la nature, et de l'autre, on refuse, ou on pense qu'il est absolument impossible de transformer la société. En 1992, au sommet de la Terre, George Bush père déclarait « Le mode de vie américain n'est pas négociable ». Ce qu'il entendait par là, et ce que ça impliquait, c'est que la nature et sa préservation, par contre, l'étaient. Donc le libéralisme combine une acceptation supposément réaliste des buts humains et de l'organisation sociale telle qu'ils sont. L'idée, à mon avis, fondamentale derrière le libéralisme, c'est qu'on ne peut pas réorganiser la société. On voit ce que ça a donné dans les pays anciennement communistes. La société est trop complexe, l'économie est quelque chose de trop compliqué, et le marché est l'institution optimale pour réguler la société, parce que justement, le marché évite d'avoir à faire appel à une sorte de cerveau central qui aurait à réguler à la fois l'économie et le social, l'économique et le social. Mais en même temps que cette, timidité extrême dans la possibilité de réformer la société, enfin, notre société cultive une confiance assez extraordinaire dans notre capacité à transformer rationnellement la nature et les êtres naturels. Il me semble que l'exemple le plus frappant, le plus patent, c'est la montée en force assez spectaculaire du geoengineering, c'est-à-dire de, l'ingénierie climatique, de ce projet assez délirant, mais dont on va entendre de plus en plus parler, qui est le suivant, c'est de dire plutôt que transformer notre économie en la décarbonifiant, on va plutôt transformer l'atmosphère pour la rendre plus réflexive, par exemple, en injectant dans la haute atmosphère du dioxyde de soufre, des particules qui vont réfléchir l'énergie solaire et la renvoyer dans l'espace, qui va permettre de refroidir le globe. Ces projets-là deviennent de plus en plus populaires, ils sont de plus en plus discutés dans des cercles importants, comme plan B, si vous voulez. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on voit que la bureaucratie onusienne qui essaye de limiter les émissions de CO2 à travers le protocole de Kyoto, les conférences successives qui finissent tous par des échecs, ça ne marche pas, donc il faut des méthodes plus rapides, plus efficaces, et on va, aller jusqu'au bout, si vous voulez, de l'artificialisation du monde. On va maintenant inventer un thermostat planétaire à travers l'ingénierie climatique. Ça, c'est un exemple assez frappant de ce chiasme dont je vous parlais à l'instant, entre d'un côté une sorte de confiance dans notre capacité à transformer la nature de manière rationnelle, et en même temps l'acceptation d'une incapacité complète à ce que pourrait être une entreprise, un peu plus marquée de transformation de notre économie capitaliste. Je dirais que ce chiasme entre confiance absolue d'un côté et méfiance absolue de l'autre s'est établi à l'époque que je vous ai un peu présentée, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En effet, selon la pensée libérale du XVIIIe et du XIXe siècle, les vertus et les finalités humaines sont réduites à peu de choses. Par exemple, chez Francis Hutcheson, un philosophe des années 1750, selon lui, le motif principal de l'humain, c'est le désir calme de la richesse. Chez Benjamin Constant, un penseur libéral français du début du XIXe siècle, le motif de l'individu, c'est la sécurité dans les jouissances privées. Et après la Révolution française, surtout, la pensée politique acte l'immuabilité des buts humains. Si un gouvernement entendait faire reposer la loi sur la vertu du citoyen, s'il voulait produire des citoyens plus économes, mettons, plus courageux, il s'exposerait à de graves déconvenues. Il me semble que cette conception du politique comme renonçant à gouverner les buts individuels et laissant cours aux appétits matériels, évidemment, elle se heurte à un problème, c'est la limitation des richesses. Ce qui fait que, dans la pensée libérale du début du XIXe siècle, la technique joue un rôle crucial. C'est à travers la technique qu'on va pouvoir augmenter les richesses, et donc laisser libre cours aux appétits matériels et aux calculs de l'homo economicus libéral. Saint-Simon disait la chose suivante, « Pour terminer la Révolution, il faut, alors ça c'est vraiment un grand thème de la pensée libérale du début du XIXe siècle, c'est en finir avec les révolutions en France. Pour terminer la révolution, il faut organiser un régime économique et libéral ayant pour objet direct et unique de procurer la plus grande source de bien-être possible. L'idée même de révolution industrielle en France, elle apparaît comme thérapeutique de la révolution, si vous voulez, de la révolution sociale. La révolution industrielle, c'est ce qui va permettre de soigner la société française et de terminer véritablement la révolution. Donc il y a vraiment un lien très étroit, intrinsèque, de connivence absolue, si vous voulez, entre la pensée libérale et la technique, qui se forge à ce moment-là. D'autre part, dans la pensée libérale, il y a cette idée aussi très présente qu'il faut gouverner avec douceur. Il ne faut pas forcer les gens. Et Saint-Simon toujours disait que le pouvoir, après la Révolution, devait se transformer, passer d'un gouvernement des hommes à une administration des choses. Et en le paraphrasant, on pourrait dire que le pouvoir libéral, au début du XIXe siècle, justement, vise à cela. Il vise à gouverner les hommes par l'administration des choses. Et les exemples que je vous ai donnés me semblent parfaitement clairs et emblématiques pour cela. Par exemple, les vaccinateurs qui vont définir le virus vaccin comme un être parfait, absolument bénin, protégeant à jamais de la petite vérole, c'est typiquement un mode de gouvernement libéral et doux. On redéfinit le monde pour que les individus aillent par eux-mêmes vers la technologie, choisissent un mode de vie technologique par eux-mêmes. Ce qui veut dire que, de la même façon, si vous prenez l'hygiénisme, qui affaiblit la médecine environnementale, finalement, c'est exactement la même chose. Ça rend l'industrialisation politiquement inoffensive. Finalement, l'industrialisation, c'est plus qu'une affaire de mauvaise odeur et d'incommodité qui peut très bien être arbitrée à travers des arrangements entre particuliers qui vont se compenser les uns les autres des dommages qu'ils se causent. Donc le laisser-faire du XIXe siècle n'était possible qu'étant donné une entreprise très volontariste de définition de la nature et des formes techniques. La connivence fondamentale qui lie science et technique à l'ordre libéral, c'est qu'en définissant convenablement les choses et la nature, on pourra faire l'économie du politique. Historiens et philosophes ont montré que la pensée utilitariste et libérale du XVIIIe siècle visait à reprogrammer l'humain en sujet égoïste et calculateur contre les morales chrétiennes du sacrifice ou contre les vertus aristocratiques, par exemple de la bravoure ou de l'honneur. En quelque sorte, dans mon livre, je fais un contrepoint à cet argument. Je montre qu'au début du XIXe siècle, l'homo economicus, l'homme économique, cet homme calculateur qui cherche à maximiser son profit, exigeait en retour un monde taillé à sa mesure, repensé, reconstruit, redéfini pour que puisse s'exercer librement la recherche de la plus grande utilité. Et les sciences et les techniques, la médecine, au début du XIXe siècle en France, a servi exactement à ça, à ajuster les objets et les ontologies afin d'instaurer un monde économique à la mesure de l'homme économique. Donc ça, c'était mon premier point conclusif sur le lien entre technique, science et libéralisme. Le deuxième point conclusif, c'est sur l'histoire et le problème du pessimisme. Il me semble que ce que l'histoire de l'environnement montre, c'est qu'il faut prendre en compte ce fait étrange et dérangeant que la destruction moderne des environnements, l'industrialisation rapide, le cortège inouï de pollution que cela accompagne, l'intensification de l'exploitation de la nature que cela nécessite, tout cela ne s'est pas fait comme si la nature ne comptait pas, mais au contraire dans un monde où régnaient des théories climatiques et des théories médicales qui faisaient de l'environnement les productrices mêmes de l'humain. Les sociétés passées n'ont donc pas massivement altéré leurs environnements par inadvertance, ni sont considérées parfois avec effroi les conséquences de leurs décisions. Et il me semble que ce point n'est pas simplement historique. Il est crucial de l'avoir en tête pour se garder d'une vision trop optimiste du contemporain, nous garder d'un sentiment de satisfaction à la fois trompeur et naïf. Ce que je veux dire par naïveté, c'est précisément le grand récit de la société du risque que je vous ai présenté au départ, le grand récit d'Ulrich Beck. Toutes ces théories postmodernes, et Ulrich Beck n'est pas le seul, qui affirment que nous serions entrés depuis peu dans une nouvelle ère de la précaution, de la réflexivité, de la conscience environnementale. Ces théories fabriquent une série d'oppositions factices qui servent surtout à faire valoir notre propre excellence, comme si vraiment on avait quelque chose de remarquable par rapport à nos ancêtres. Et si l'histoire n'a évidemment aucune leçon à donner, il me semble qu'elle peut nous aider à nous déprendre de cette illusion délétère que nous serions la première génération à prendre en compte les risques technologiques et environnementaux, que nous serions enfin sortis d'une frénésie moderniste pour entrer dans l'ère de la précaution. Finalement, le plus dérangeant dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je pense, c'est que nos ancêtres ont détruit les environnements en toute connaissance de cause, et les échecs du mouvement écologique actuel, les échecs successifs des sommets de Copenhague, de Cancun ou de Rio plus 20 l'année dernière, la ruée actuelle sur les gaz de schiste actuellement, ne sont absolument pas des accidents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moins 1, et on vient d'entendre la deuxième partie de la conférence donnée par Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, qui présentait son ouvrage L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, un livre paru aux éditions du Seuil en 2012. Et donc, dans cette conférence donnée en avril 2013 à Montpellier, il y avait ensuite des questions du public. J'ai inséré quelques-unes des réponses dans le cours de sa conférence, mais il reste une question et une réponse de Jean-Baptiste Fressoz que je vous livre en intégralité. Juste une remarque. Vous avez parlé d'apocalypse. Mmh. Eh bien, vraiment, on part de la conférence avec la notion de futur apocalypse. On n'a pas d'espoir, quoi. C'est pour ça que j'avais rajouté joyeuse dans le titre. Mais en fait, quand on écoute les nouvelles récentes, qui des fois d'ailleurs passent inaperçues, est-ce qu'il y a vraiment raison d'avoir d'espoir, en fait ? Par exemple, en 2011, un article dans Guardian qui m'avait beaucoup marqué. La croissance de l'économie britannique avait été de 1,1% et la croissance des émissions de CO2 de la Grande-Bretagne de 3,3%. Ça voulait dire que l'économie anglaise se réencrassait. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer, espérer que la crise économique résolve au moins une partie de nos soucis climatiques, mais au contraire, on peut s'acheminer vers une stagnation économique et un accroissement des émissions de CO2. Une autre nouvelle qui était passée assez inaperçue, c'était il y a un an, alors maintenant c'est plus vraiment une nouvelle, mais c'était l'affaire des hotspots de Tokyo. Une banlieue, une ville qui s'appelle Kawisha, juste au nord de Tokyo, à 30 km au nord de Tokyo. Dans certains parcs de la ville, on trouvait des niveaux de radioactivité plus élevés que dans la zone 1 de Tchernobyl, donc la zone la plus contaminée, tout simplement parce que la radioactivité en fait, s'accumule dans les points bas. Donc en fait, ce n'est pas un phénomène linéaire bien clair de diffusion de la radioactivité. On peut avoir des hotspots, donc des endroits de des points de radioactivité très concentrés. Et la solution quand même, ça avait été simplement le maire qui va passer un arrêté en disant « bon bah faut éviter d'aller se promener dans ce parc ». Voilà. Ce genre de nouvelles, leur répétition, le fait qu'elles passent complètement inaperçues, ça me fait penser à une citation de Walter Benjamin que j'aime bien et qui dit la chose suivante « il faut fonder la notion de progrès sur la notion de catastrophe ». Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Et il me semble que notre capacité à normaliser les accidents, à passer outre. Si vous prenez le cas de Fukushima, c'est frappant. C'est-à-dire, juste après Fukushima, il y a eu des articles tonitruants dans Le Monde, dans Libération, dans Le Figaro. Il y en avait un d'ailleurs d'Ulrich Beck, c'est pour ça que je l'ai bien remarqué. Il disait là, cette fois-ci, on a compris, c'est, je cite, « l'ère du progrès et de la sécurité qui vient de s'achever ». Vous voyez, cette manière à chaque fois de penser que cette fois-ci, on ne recommencera plus comme avant. Et puis, vous voyez, 2 ans après Fukushima, ma foi, le nucléaire, ça reste encore... Enfin, le gouvernement japonais, actuel nationaliste japonais, est un fervent partisan du nucléaire. Donc, notre capacité de continuer comme avant, malgré les désastres, m'induit à être effectivement extrêmement pessimiste. Et pour terminer cette émission, encore un petit mot de Jean-Baptiste Fressoz à propos de l'innovation. De nos jours, on a tendance à se focaliser sur l'innovation comme solution à de multiples problèmes. La crise économique, il faut innover. Le changement climatique, il faut innover. La crise environnementale en général, il faut innover. L'innovation, ça devient vraiment une panacée universelle. Ça repose sur l'idée qu'on vit une époque d'innovation absolument extraordinaire. Il y a des bons arguments pour ça. La révolution numérique, c'est effectivement une transformation extrêmement importante. En même temps, historiquement, on peut se dire que la fin du 19e siècle, l'électricité, au début du 20e, l'avion, le télégraphe, puis le téléphone, etc. C'est des révolutions technologiques qui sont aussi extrêmement importantes. Un monde sans électricité, c'est vraiment un monde très très différent du monde du 20e siècle. Hein, et qu'il y avait eu des, il y a eu des moments par le passé aussi de très intenses innovations. Bon. L'autre point important sur l'innovation à bien avoir en tête, c'est que et les historiens aussi ont tendance à se focaliser sur l'innovation. En pensant que l'innovation opère des basculements de système technologique à un autre. Ce que les historiens montrent, c'est que, en fait, l'innovation et le monde technologique en général, il faut les penser plutôt comme des strates qui s'additionnent. On passe pas d'un système technologique à un autre, mais à des strates technologiques qui successives, en fait, qui s'additionnent. On passe pas d'une phase à une autre, mais à des empilements technologiques. Ce qui permet de relativiser la prétention de l'innovation à résoudre tous les problèmes, en fait. Parce que même si on va faire des énergies renouvelables, etc., des innovations dans ce domaine-là, a priori, ça ne va pas remplacer soudainement un système énergétique, ça va plutôt s'additionner, de manière encore très faible actuellement, à un système énergétique ancien qui est extrêmement dominant, extrêmement lourd, qui a une très très forte inertie. D'autre part, l'histoire de l'innovation, ou notre imaginaire de l'innovation, a tendance à insister sur la dimension technologique des choix. En fait, les choix énergétiques, par exemple, ils sont essentiellement économiques. Par exemple, à partir du moment où les Américains sont mis à produire du gaz de schiste, le charbon qu'ils produisent a perdu énormément de leur valeur et ça a commencé à avoir le coût de l'importer en Europe pour le brûler dans des centrales à charbon en Europe. Ce qui fait qu'entre 2011 et 2012, on a une explosion en Europe et en France aussi hein, de l'électricité produite par le charbon. Ça veut dire par exemple que notre idée de succession de système énergétique, on passerait donc du charbon au pétrole, etc., ça marche pas du tout. Le charbon, c'est l'énergie sans doute du futur si on continue cette trajectoire-là. Voilà, donc c'est une vision. Cette vision de l'histoire des techniques permet de relativiser, à mon avis, notre obsession sur l'innovation actuelle. Vous écoutez Radio Zinzine, c'était donc l'émission Racine de moins 1 avec Jean-Baptiste Fressos qui présentait son livre L'Apocalypse Joyeuse, un ouvrage paru aux éditions du Seuil en 2012. Cette émission est terminée et je vous dis à la prochaine. Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.